C'est fou. C'est malade. 89.1. Yeah.

toile subtilement. Le président dans son chemin est plus obsolète à chaque instant. T'as tout sa propre de grand silence. Plus métaphore que transparent. Le président dans son chemin. Si le silence c'est si troublant, c'est dû à la musique qu'il y a là-dedans. Si la radio c'est un troublant, c'est dû à la musique qu'il y a là-dedans. Le président dans son traitement, ah, un autre rythme dans le sang. La toile subtilement. Numéro 2. You're a bogey without hurry. Breathing, counting, eating,

shelter. Oh Lord, could you help me find some shelter? Oh Lord, could you help me find some shelter?